Le représentant Oyun Saikan Dende Bunarov et les membres de la représentation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Corée ont travaillé le 5 juin dans la ferme coopérative de Tongban de la ville de Saryun de la province du Fangye du Nord. Ils ont également remis les matériels d'assistance à cette ferme.